Histoire vivante sur la première. Très bel après-midi. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, histoire du néolibéralisme. On aurait pu penser que la peur allait donc gagner, puisque à la peur du chômage s'ajoutait la peur liée à la crise environnementale. Sciences sociales au travail. Donc, il ne suffit pas de se réunir pendant 3 ou 4 jours à Davos pour changer le monde. Quelques éléments de philosophie politique. Alors que nous allons quitter l'Union européenne, le Royaume-Uni continuera d'être un défenseur mondial du libre-échange. Je ne sais pas comment ils font pour dormir la nuit. La situation n'est pas normale. Ils sont dans leur bulle entre personnes qui ont toujours eu le pouvoir. C'est le triomphe de la pensée unique. Je suis ici pour réaffirmer l'amitié et le partenariat de l'Amérique dans l'édification d'un monde meilleur. Nous sommes depuis hier en compagnie de Barbara Stiegler, philosophe qui enseigne à Bordeaux, qui a enseigné aussi bien dans l'université qu'au lycée avant un retour à l'université. Barbara Stiegler qui s'est auto-désignée enfant du moule, ce qui lui a permis probablement de passer facilement certaines étapes. On n'a pas eu tous les détails, mais on va essayer d'avancer quand même dans notre propos. Peut-être un mot quand même sur une grande partie de votre vie, d'un philosophe que vous avez scruté, analysé et j'imagine longuement étudié, à savoir Nietzsche, avant que nous en venions à votre dernier ouvrage, dans la perspective du prochain documentaire que vous nous avez fait l'amitié de regarder pour nous, on vous en remercie, dont il sera question en toute fin de semaine, autour du WEF, à savoir le World Economic Forum de Davos. Un documentaire que on vous recommande très chaudement. Ce sont des coulisses qu'on ne connaissait pas bien. Chaque année, au mois de janvier, un événement connu dans le monde entier se tient dans une station de montagne située dans les Alpes suisses. Le Forum économique mondial de Davos. Le forum existe depuis 50 ans et aucune équipe de tournage n'avait jamais été autorisée à filmer les coulisses de l'événement. Ce film a été tourné sur une période de 2 ans. Si nous n'avions pas la nécessité de nous parler et d'entretenir le dialogue, nous serions dans une dictature mondialisée, dans laquelle tout le monde aurait la même opinion. Le fait de parler, mais aussi de laisser parler, est absolument fondamental pour la cohésion du monde dans lequel nous vivons. Monsieur le Président, bienvenue. Bienvenue. Tout le monde vous attend. Le sentiment que nous avons besoin de ce dialogue pour nous comprendre les uns les autres, c'est la base de tout. Sur Nietzsche d'abord, Barbara Stiegler, vous avez écrit d'assez nombreux ouvrages, j'en ai mis quelques-uns de côté. Nietzsche la biologie, Nietzsche la critique de la chair, le premier en 2001, le second en 2005. Et vous avez notamment, c'est peut-être là-dessus que je voudrais vous entendre, réfléchi autour de Nietzsche la crise de la Bildung. À quoi la pensée philosophique, je vous cite, a affaire quand elle commence à philosopher, ou de ce que doit rencontrer la philosophie pour pouvoir commencer? Un étonnement ou un effroi? Quelle voie choisir? Vous n'êtes pas frotté à quelqu'un de très commode, de très facile? Vous y allez comment? Pourquoi? C'est quoi cet entretien-là de Nietzsche? Il y a beaucoup de raisons. J'ai choisi de travailler sur Nietzsche il y a très très longtemps. Enfin, il y a très longtemps, oui, j'étais jeune. Je ne connaissais pas Nietzsche et j'ai décidé de me lancer dans une maîtrise sur Nietzsche. J'avais eu à peine quelques cours, mais j'étais vraiment pas du tout formée. Et en fait, au départ, je voulais travailler sur Nietzsche et Marx. J'ai fait une maîtrise qui s'intitulait « La valeur chez Marx et Nietzsche, capitalisme et nihilisme », qui était une très très très drôle d'idée. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai fait ça un peu... Il y avait un petit peu de ressentiment. Hein. C'est-à-dire que j'avais un peu, pour pas employer un terme nietzschéen, j'avais pas envie de faire ce que faisaient les gens à l'époque. Voilà. ça, je me plaisais pas dans cette période. J'ai détesté les années 90 et les années 80 aussi d'ailleurs. J'ai détesté ces années. Je m'ennuyais considérablement. Je me sentais très seule. Heureusement, j'avais quelques amis et quelques membres de ma famille qui me soutenaient, mais nous n'étions pas totalement seuls. Mais je me sentais pas bien du tout, si vous voulez. Et donc l'université, ce qu'elle me proposait, m'intéressait pas du tout. À part l'histoire de la philosophie qui était extrêmement bien enseignée, j'ai eu de grands maîtres, dont Jean-Luc Marion, qui a été mon directeur de maîtrise, qui a été mon directeur de thèse, qui est aujourd'hui un ami, un collègue cher. Mais, si vous voulez, j'étais quand même, sur le plan de mes objets d'études, extrêmement dépourvu. Et je voyais qu'il y avait deux garçons là, qui étaient un petit peu mis sur le côté, qui étaient pourtant très intéressants, qui avaient l'air formidablement intéressants, qui étaient Nietzsche et Karl Marx et Friedrich Karl Nietzsche. Karl et Friedrich, qui étaient un petit peu sur le côté, si vous voulez. Ils n'étaient pas en odeur de sainteté, si je puis dire, si on peut employer ces termes un peu triviaux. Donc, Pour des raisons fort différentes, sauf qu'ils avaient comme point commun qu'ils voulaient penser la crise de notre présent, économique et morale, puisque tout ça est évidemment lié, que la question de la valeur, de la dévalorisation, de la dévaluation, il y avait des questions de ce type-là, autour de la valeur. Bon, tout ça était très confus, mais j'avais envie d'aller trafiquer là-dedans. Voilà. Avec un sale esprit de contradiction, puis j'étais en colère, je n'étais pas du tout contente de ce qu'on me proposait dans une version un peu plus mainstream, ça ne m'intéressait pas du tout. Donc voilà, et j'avais envie de faire de la philosophie politique, et je ne pouvais pas, parce que je ne trouvais pas où me former, quoi, voilà. Alors, je sais pas, ça plaira pas à certains, mais enfin, c'est comme ça, c'est un fait, c'est les accidents de ma biographie. Voilà. Et je me suis dit, en attendant des jours meilleurs, je vais faire l'histoire de la philosophie, puisque c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Donc, je vais me replier sur le 19e siècle, qui m'intéresse passionnément, moi, y compris esthétiquement, etc. Donc, je vais me replier sur le 19e siècle en attendant des jours meilleurs, parce que là, dans le champ de la philosophie contemporaine, je ne savais pas où aller. Dans le champ de la philosophie politique, j'étais perdue. Et je vais aller chercher chez des gens comme ça ce qu'on peut essayer de penser sur la valeur, le nihilisme, le capitalisme et ce genre de choses. Capitalisme était un terme assez peu usité à l'époque, je le rappelle. On a tendance à l'oublier parce qu'aujourd'hui, tout le monde en parle. Maintenant, on a des best-sellers sur le capitalisme. Des best-sellers mondiaux. Il faut se rappeler que dans les années 90, parler de capitalisme, c'était déjà se disqualifier, rien que d'employer ce mot. Le mot de marché, de même. Bon. Donc nous en étions là. Et alors Jean-Luc Marion, qui m'avait repéré comme une étudiante... Pas contente. Voilà, non, pas spécialement, mais disons qu'il trouvait que j'avais des bonnes notes à l'examen, voilà. Tout simplement, il me trouvait sympathique. Et il me dit, alors vous voulez faire quoi pour votre master ? Sous-entendu, on fera ensemble. J'étais très très honorée puisque c'était quand même un grand professeur, donc j'étais très contente. Mais je lui dis, ça ne va pas être possible puisque je ne vais pas faire quelque chose sur la phénoménologie ou voilà, enfin des choses. Et il me dit, mais vous voulez faire quoi? Je dis, moi je veux faire sur Marx et Nietzsche. C'est très bien. J'aimerais bien vous voir patauger là-dedans, me dit-il. Je dis, très bien. Quel encouragement. Mais oui, donc il m'a encouragée à patauger là-dedans. J'ai trouvé ça très sympathique. Et donc, je me suis débrouillée radicalement toute seule. Vous êtes débrouillée. Radicalement. Vous avez passé la cinquième. Oui, j'ai débrouillé aussi. Radicalement toute seule, puisque Jean-Luc Marion était quelqu'un de absolument pas directif, ce qui m'allait parfaitement. Je veux dire, bon, voilà, j'ai fait ma thèse un peu dans mon coin, etc. Et il a toujours été là pour me soutenir. Et il m'a soutenu d'une manière extraordinaire, puisque dès la fin du premier chapitre de ma thèse, il m'a dit, c'est génial, ça sera dans Épiméthée, on peut pas y rêver, un meilleur soutien. Mais je me suis débrouillée un peu comme ça, toute seule. Et il lisait, bien sûr, de temps en temps, mais enfin, je faisais ce que je voulais, et c'était parfait. Donc je suis rentrée dans Nietzsche. Alors j'ai laissé tomber Marx. Parce que l'idée de faire un travail bifide était compliquée quand même. C'est toujours assez compliqué de mener sur le long terme, je le dis toujours aux étudiants, quelque chose de comparaison entre deux auteurs. Ça ne veut pas du tout dire que Marx ne m'intéressait pas et ne m'intéresse pas et ne m'intéressera pas. Il est tout à fait possible qu'un jour je me mette à travailler à nouveau sur Marx et de manière extrêmement intense. Ça ne serait pas du tout étonnant. Mais si Nietzsche a pris le dessus dans l'affaire, c'est probablement pour sa manière de faire de la philosophie qui, là, moi, me convenait parfaitement. C'est-à-dire que chez Nietzsche, il n'y a précisément aucun jargon. Il y a assez peu de technicité. Alors, c'est une philosophie extrêmement difficile, extrêmement subtile, très difficile d'y entrer quand on me demande qu'est-ce qu'il faut lire pour commencer, pour entrer dans Nietzsche. Je suis toujours assez embarrassée parce que je trouve ça extrêmement difficile. Mais il n'y a pas de cette technicité. Et ce qu'il y a de perpétuellement visible, c'est l'entrelac de l'affectivité et de la pensée. Il n'y a pas un texte de Nietzsche qui soit abstrait. qui soit dans une sorte d'abstraction où on ne sait plus où on en est par rapport à l'affectivité. L'affect est toujours, l'affectivité est toujours présente. Et ça, pour moi, c'est un modèle. Moi, je préfère la phrase de Nietzsche. Je voudrais que votre prochain vous devienne insupportable pour que vous compreniez qui est votre ami à l'intérieur de vous. Je ne vous enseigne pas l'amour du prochain, disait Nietzsche, mais l'amour du plus lointain. Je voudrais que la présence du prochain vous devienne insupportable pour que vous compreniez qui est votre ami. C'est une mythologie moderne incroyable. Il n'y a pas de pensée sérieuse s'il n'y a pas de solitude. Il n'y a pas de pensée, même si on adore être ensemble, pour frotter nos cervelles et se branloter pour se rassurer. Mais là, notre condition métaphysique, elle est d'être seule. Enfin, je ne veux pas employer des grands mots, hein. Qu'est-ce que c'est que cette chose de se retrouver ensemble? Faut se retrouver avec soi, vous pensez pas? Et ce choix entre, pour reprendre vos mots, je rechausse mes lunettes, l'étonnement ou l'effroi. Qu'est-ce que c'est que ce carrefour ou cette dualité de piste? On a l'impression qu'on se trouve à un endroit et il va falloir choisir une direction. Qu'est-ce que c'est? Alors je sais pas, je suis pas sûre que ce soit ça, mais en revanche je me souviens assez confusément, assez vaguement plutôt, du contexte. C'est Nietzsche qui traduit le terme grec tomatzein, l'étonnement. Voilà. Et donc l'étonnement chez les Grecs, qui est donc l'étonnement, le tomatzein, c'est le premier affect de la philosophie, c'est l'affect initial de la philosophie, c'est à la fois l'étonnement, à la fois l'émerveillement et en même temps l'effroi. Ce qui est très difficile à dire en français. On ne peut pas le dire. Bon. Et c'est ce que Nietzsche explique. Que, en fait, il rappelle que la philosophie commence par le tomatzein, c'est-à-dire à la fois l'émerveillement et l'effroi. Et c'est pour cette raison que le dionysiaque et Dionysos et d'autres figures liées à Dionysos vont jouer un rôle absolument matriciel dans sa pensée. Donc ça s'appellera le dionysiaque à l'époque de la naissance de la tragédie. Évidemment, ça renvoie à nouveau aux racines grecques de l'ordre du tomatzein de la philosophie. Et puis, ensuite, il va y avoir une autre instance qui va prendre le relais de Dionysos et qui ensuite rejoindra Dionysos, qui est le flux absolu du devenir. Et le rapport que Nietzsche décrit par rapport à ce que les Grecs appelaient ou pensaient ou mettaient en image comme le dionysiaque, et ensuite le flux absolu, c'est un rapport à la fois d'amour, d'émerveillement, d'effroi, potentiellement de haine et de ressentiment. Voilà, c'est ça la matrice de la pensée Nietzsche. C'est pourquoi ma thèse ensuite était sur une relecture intégrale de Nietzsche avec le fil conducteur de Dionysos, la figure de Dionysos, et qui a donné donc ce livre publié par Jean-Luc Marion dans la collection Épiméthée des Presses universitaires de France, Nietzsche et la critique de la chair, qui est sous-titré Dionysos, Ariane, le Christ. Il y a trois chapitres et trois parties qui sont chacune centrées sur Dionysos et Apollon, puis Dionysos et Ariane dans les années qui suivent, puis Dionysos et le crucifié, donc le rapport au christianisme dans la dernière partie. Ça, c'est Nietzsche et la critique de la chair. Et c'est pour ça que je suis allée vers le dionysiaque. Et puis, dans la thèse, j'ai découvert que la question du dionysiaque, qui avait été abandonnée après la naissance de la tragédie par Nietzsche, la figure de Dionysos disparaît pendant quelques années, des années décisives, absolument passionnantes de sa pensée. Et ce qui s'installe en quelque sorte à la place, c'est le devenir, le flux absolu, l'accélération des flux, toutes ces questions. Et ensuite, Dionysos va revenir. C'est un Nietzsche que vous étudiez dans la langue originale ou vous passez par la traduction? Alors, je passe par la traduction pour la lecture très rapide. Et puis ensuite, dès que je travaille le texte lui-même, il est impossible de ne pas le lire dans la langue originale, aussi bien Nietzsche lui-même que n'importe quel texte philosophique. Ça, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants dès la première année. Je leur explique que s'ils veulent aller jusqu'au master et s'ils choisissent un corpus étranger, la langue étrangère est obligatoire, et j'essaie de les mettre à l'aise sur le fait qu'on ne leur demande pas d'être d'éminents germanistes ou anglicistes ayant une conversation fluide ou je ne sais quoi. Il s'agit juste d'être capable de vérifier les traductions, d'ouvrir des dictionnaires, de s'assurer qu'il n'y a pas des problèmes de lexique Voilà, ce genre de choses. Donc ça, évidemment, c'est incontournable. Barbara Steger, aidez-nous à faire la jonction. Elle est peut-être évidente pour vous. En tout cas, elle est certainement souterrainement en vous, entre Nietzsche, dont on vient de parler, dont vous venez de parler, et les guillemets, ce titre entre guillemets, sur lequel on vous a laissé hier. Alors, je rappelle ce qu'il y a à l'intérieur des guillemets, c'est « il faut s'adapter ». Est-ce qu'on peut peut-être, dans un premier temps, faire un résumé en quelques lignes du propos de ce dernier ouvrage? Oui, je peux vous faire la quatrième de couverture à l'oral, oui. Voilà. Et puis la jonction. Alors, le lien. Oui, oui. Ce livre s'appelle Il faut s'adapter et son sous-titre c'est Sur un nouvel impératif politique. Le livre raconte une histoire qui nous plonge dans les années 30 aux États-Unis, donc on est dans un tout autre monde que le monde de Nietzsche, une autre ère culturelle, une autre époque. C'est après. Ça se situe entre les deux guerres, voilà. Et ça se passe aux États-Unis. La toile de fond, c'est New York, Chicago. Donc c'est un polar américain, si vous voulez. Il y a un méchant, il y a un gentil. Voilà. Mais en fait... Je ne l'ai pas imaginé comme ça, mais c'est bien. Sacré western. Oui, c'est un, ouais, c'est un film noir, voilà. Le sujet de départ, ce qui a fait que finalement j'ai écrit ce livre avec la confrontation entre ces deux figures qui sont Walter Lippmann et John Dewey, dont on parlera certainement, c'est que j'étais à la recherche de quelque chose. Je faisais une enquête, en fait. Je menais une enquête depuis un certain temps. Et l'enquête était d'essayer de comprendre d'où venait l'injonction qu'on entend partout. Il faut s'adapter. Nous sommes dans un monde complexe, de mutations perpétuelles, d'évolution, etc. Et donc dans ce monde de perpétuelle en perpétuelle mutation, dans ce monde instable, ouvert, complexe, enfin voilà, ce discours qu'on entend en permanence, il faut s'adapter, on l'entend partout, dans tous les milieux, à tout bout de champ, tout le monde le dit, c'est une formule. Et d'où vient-elle? Donc c'était ça l'énigme, et cette énigme s'est redoublée d'une autre énigme qui était, comment se fait-il que cette formule se soit imposée dans le champ politique? Dans le champ politique, maintenant, en politique, on n'arrête pas de dire ça. Il faut s'adapter. Nous devons adapter la France, nous devons adapter l'hôpital. L'université doit s'adapter à, etc., etc. Donc cette expression est bien au-delà de la sphère sociale ou psychologique. Elle est vraiment maintenant clairement installée dans le champ politique et depuis longtemps. Et au même moment, je me suis dit, il doit y avoir un lien entre ça et ce qu'on appelle très confusément le néolibéralisme. Sauf que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que le néolibéralisme? C'était pas clair. Et en particulier, je suis tombée... Vous n'aviez pas écouté les émissions d'Histoire vivante, qui avaient déjà longuement travaillé si là-dessus. Si j'avais écouté les émissions d'Histoire vivante, je n'aurais pas écrit le livre. Ça aurait été dommage. Donc, j'ai fait l'enquête parce que je ne savais pas. Je cherchais. Et du même coup, j'ai trouvé des choses assez incroyables. J'ai trouvé, par exemple, que le néolibéralisme, ce n'était pas du tout ce qu'on dit d'habitude, c'est-à-dire la destruction de l'État, la privatisation à tout craint, la dérégulation, etc. Mais c'était un phénomène historique, on connaît son histoire. C'est un mouvement qui, historiquement, s'est constitué comme retour de l'État dans le contexte de la Grande Dépression. Et que, voilà, le néolibéralisme, c'est le retour de l'État. On aura peut-être l'occasion d'expliquer tout ça, précisément parce que le marché ne marche pas bien et que le marché, c'est pas une chose de la nature, qu'il faut construire le marché comme un ordre artificiel, avec toutes sortes d'artifices, le droit, les règles du jeu, toutes sortes de choses. Et qu'en fait, ça, c'est une histoire qui est en fait assez connue. Il suffit de connaître un petit peu Friedrich Hayek pour le savoir, par exemple, et de connaître le rapport entre Friedrich Hayek et le colloque Lippmann, ou d'avoir lu le cours de Michel Foucault à la fin des années 70, Naissance de la biopolitique, qui explique ça de manière très détaillée, puisqu'il il rapporte lui-même les découvertes d'un certain Bilger à Strasbourg, etc. Donc en découvrant tout ça, que mes collègues étaient eux-mêmes en train de redécouvrir au même moment, puisque tout le monde commençait à s'intéresser de près au néolibéralisme à l'université, car le néolibéralisme s'intéressait de près à l'université. Ce qui, évidemment, a déclenché toute une série d'études universitaires, académiques sur le phénomène, puisque le phénomène n'était plus seulement quelque chose qui concernait le monde du business ou de l'entreprise. On était en train de comprendre que le phénomène concernait tout le monde, y compris nous. Nous étions pris dans la chose, dans les réformes dites néolibérales. Donc ça a engagé toute une série de recherches. J'ai profité de cette dynamique, si vous voulez. J'en ai absolument profité. J'ai pris le train, si vous voulez. J'ai rien initié moi-même pour continuer mon enquête que je menais depuis une vingtaine d'années avec Nietzsche. C'est-à-dire que déjà chez Nietzsche, j'avais repéré que Nietzsche lui-même parlait d'injonction à l'adaptation et luttait contre l'adaptationnisme à la fin du XIXe siècle. Et c'est pour ça qu'il s'est confronté de manière très serrée à un évolutionniste comme Herbert Spencer ou à l'adaptationnisme darwinien. Ça, je l'avais étudié de très très près dans mon premier livre. Malheureusement, aujourd'hui, non plus, qui n'est plus disponible, mais qui est disponible dans les bibliothèques universitaires, qui s'appelle Nietzsche et la biologie. Tout l'enjeu de ce livre, c'était de comprendre cet impact de l'évolutionnisme, de l'adaptation dans le champ social et politique. Donc il y avait déjà cet enjeu politique dans le livre. Mais il me manquait des jalons pour comprendre ce que c'était que les réformes néolibérales de l'hôpital, de l'université, et en quoi ça avait un rapport avec l'adaptationnisme. C'est pourquoi j'ai fait cette enquête, et là j'ai découvert vraiment quelque chose d'absolument fascinant, qui était l'une des grandes sources de la pensée néolibérale, à savoir l'essayiste Walter Lippmann, qui a eu un impact fondamental sur les néolibéraux, était en fait pétri d'évolutionnisme, et avait précisément formuler explicitement cette injonction de l'adaptation et cette idée que la politique devait servir à réadapter l'espèce humaine. Donc, à partir de là, je me suis engagée dans cet immense univers. J'ai découvert tout un monde, ce nouveau libéralisme américain adaptationniste. Au fur et à mesure que je découvrais chacune des thèses, je n'avais que des objections à lui faire, mais en même temps, que je formulais mes objections et que je les affûtais avec Nietzsche et d'autres, en même temps, je mesurais la puissance de cette pensée. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à un vulgaire économicisme ou à une vulgaire marchandisation du monde. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est une vision du temps, une vision de l'histoire. Ce n'est pas homogène. Il y a de la discussion. Il y a de la discussion. Il y a une pluralité d'influences. Lippmann lui-même change de point de vue régulièrement. C'est une pensée qui elle-même évolue. C'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai passé du temps à m'y intéresser. Et ce que j'ai découvert, la moitié du livre, c'est une enquête sur les sources évolutionnistes américaines du néolibéralisme. Mais il y a une autre moitié qui est que j'ai découvert en faisant cette enquête que Lippmann était tombé sur un redoutable contradicteur, un des plus grands philosophes américains, John Dewey, de l'école des pragmatistes, et que ce redoutable contradicteur, qui est donc le gentil de mon polar, sous ses airs gentils, avait quand même conduit une magnifique déconstruction du néolibéralisme. Donc j'ai découvert à ma stupéfaction qu'il existait une déconstruction philosophique remarquable de ce nouveau libéralisme qui avait été construite sur des années et que nous ne savions pas. J'ai trouvé ça assez incroyable. Donc j'ai trouvé ça dans mes recherches historiques. Et j'ai voulu, du même coup, faire connaître au public ce débat entre Lippmann et Dewey, qui était connu dans le petit cercle du monde des médias aux États-Unis et aussi en Europe, sur le rôle des médias de masse, mais dans un tout petit cercle, on n'avait pas vu l'ampleur du débat. Le débat est extrêmement ample, puisqu'il porte à la fois sur ce que devra être le nouveau libéralisme, l'échec du libéralisme classique et le nouveau libéralisme qu'il s'agit de refonder. Là, il y a un conflit frontal entre les deux. Il s'agit aussi d'un conflit frontal sur ce que doit être la démocratie. Leurs thèses sont rigoureusement inverses. Et il s'agit d'un conflit frontal sur ce qu'est l'évolution et sur ce qu'est véritablement l'histoire de la vie et la révolution darwinienne. Donc on a une immense fresque en fait qui se déploie du même coup à travers l'affrontement entre ces deux hommes, Lippmann et Dewey, entre 1913 et 1938 pour être tout à fait précise. 1938, c'est l'année Barbara Stiegler où se déroule à Paris un colloque dont nous avons déjà parlé dans Histoire vivante, en compagnie de Serge Audier, qui avait porté à la connaissance au travers de son ouvrage le colloque Lippmann. Je vais poser la question, je vous la pose, peut-être aussi avez-vous été amusé ou interloqué par cet étrange paradoxe, c'est qu'un pareil colloque portant donc sur la réinterrogation de la question du capitalisme, son avenir après la crise de 29 et l'arrivée au pouvoir en 33 de Hitler et de ses promesses, se tienne en plein Front populaire. C'était pour le moins étonnant. Alors c'est passé peut-être de telle manière que le gouvernement en question ne le voit pas venir, n'en entend pas parler. Est-ce que cette chose-là vous a interrogé ? Serge Audier, qu'est-ce qu'il vous a répondu ? Je vote en touche. Parce que Serge Audier est bien plus compétent que moi pour vous répondre là-dessus. Je me souviens plus. Non, je crois qu'il cherchait un endroit pratique pour se retrouver. Il y a tout un cabinet d'experts français. Et ça, c'est la tradition française de l'expertise, et c'est toute une histoire française bien connue, le rôle très important du spécialiste, du savant, etc. Et ça remonte bien même avant le XVIIIe siècle. Bon, voilà, c'est fondamental dans l'histoire politique de la France. On a tout ça qui est en place. L'idée d'un libéralisme d'experts, il y a toute l'histoire du rôle de l'école polytechnique, du groupe X-Crise. Tout ça va expliquer en partie, hein, c'est un phénomène très complexe que Serge Audier connaît infiniment mieux que moi, ou François Denors connaît bien ça aussi, qui va expliquer en partie pourquoi la France était un lieu d'accueil excellent pour cette affaire de ce grand colloque international de tous les grands libéraux inquiets de l'avenir du libéralisme du monde. Et qui ne partagent pas du tout les mêmes analyses. Qui sont pour certains pas d'accord, mais qui ont quand même pour point commun, et c'est pour ça qu'il y a une unité, en dépit des différences, et qu'on peut parler du néolibéralisme, sinon on ne peut plus parler de rien. À force de faire des différences à l'intérieur d'un courant, s'il n'y a plus du tout de matrice commune, il y a une dissolution, si vous voulez, eidétique, qui fait qu'à la fin, vous ne pouvez plus parler. Voilà. Tous les arbres sont différents, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait que tous les arbres sont des arbres aussi, au bout d'un moment. Donc, les néolibéralismes, effectivement, sont extrêmement divers. Friedrich Hayek est en désaccord total avec tel ou tel ordo-libéral sur tel ou tel point, mais ils ont des points d'accord. Et c'est précisément parce qu'ils ont des points d'accord qu'ils se retrouvent autour de l'ouvrage de Walter Lippmann, qui a été traduit en français La Cité Libre, mais qui s'appelle L'enquête sur les principes de la bonne société, pour lui rendre hommage. Donc c'est vraiment un hommage à Lippmann, qui se retrouve propulsé comme père fondateur, finalement, du néolibéralisme, en un sens. Même si c'est à quelques nuances près, hein, parce qu'on n'en est pas non plus à ce niveau de fondation. Mais voilà, donc il y a quand même quelque chose de commun, et c'est ça que j'ai essayé de dégager. Ce qu'il y a de commun entre Hayek, les ordo-libéraux, etc. Et c'est dans Lippmann qu'on peut le trouver. Fin de cette partie d'entretien, nous retrouverons demain la philosophe Barbara Stiegler, auteure de l'ouvrage « Il faut s'adapter », paru aux éditions Gallimard dans la collection NRF Essais, et bien sûr disponible dans toutes les bonnes librairies, accessoirement sur le net. À demain, Barbara Stiegler. À demain, merci. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Christian Morero. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.